Page 127. Activité 6. Piste 114. Papa, papa, on peut aller au cinéma ce soir? Il y a un bon film? Oui, Le Roi Lion. Mes amis de classe, ils vont voir ce film aujourd'hui. C'est d'accord, mon chéri.